D'abord, pas un ne remua. Puis, il y en eut un qui osa se risquer. Il ausculta à son tour la jeune femme, mais il ne se prononçait pas, réfléchissait, avait un branle soucieux de la tête. Finalement, il bégaya que, pour lui, il fallait rester dans l'expectative. Mais un autre, tout de suite, le remplaça, et celui-ci fut catégorique. Il n'entendait rien du tout. Jamais cette femme-là n'avait été phtisique. D'autres encore le suivirent. Tous finirent par défiler, excepté 5 ou 6 qui gardaient une attitude fermée, finement souriante. Et la confusion fut à son comble, car chacun donnait son avis, sensiblement différent, de sorte que, dans le brouhaha des voix, on ne s'entendait même plus parler. Seul le père d'Argelès montrait un calme d'absolue sérénité, car il avait flairé un de ces cas qui passionnent et qui sont la gloire de Notre-Dame de Lourdes. Déjà, il prenait des notes sur un coin de la table. Alors, à l'écart, grâce à l'éclat des voix, Pierre et le docteur Chassaigne purent causer sans être entendus. « Oh, ces piscines que je viens de voir !» dit le jeune prêtre. « Ces piscines dont on renouvelle l'eau si rarement !» Quelle saleté, quel bouillon de microbes! La manie, la fureur de précautions antiseptiques où nous sommes reçoit là un fameux soufflet. Comment se fait-il qu'une même peste n'emporte pas tous ces malades? Les adversaires de la théorie microbienne doivent bien rire. Le docteur l'arrêta. Mais non, mon enfant, si les bains ne sont guère propres, ils n'offrent aucun danger. Remarquez que l'eau ne monte pas au-dessus de 10 degrés, et il en faut 25 pour la culture des germes. Puis les maladies contagieuses ne viennent guère à Lourdes, ni le choléra, ni le typhus, ni la variole, ni la rougeole, ni la scarlatine. Nous ne voyons ici que certaines maladies organiques, les paralysies, la scrofule, les tumeurs, les ulcères, les abcès, le cancer, la phtisie. Et cette dernière n'est pas transmissible par l'eau des bains. Les vieilles plaies qu'on y trempe ne craignent rien et n'offrent aucun risque de contagion. Je vous assure que sur ce point, la Sainte Vierge n'a pas même besoin d'intervenir. Alors, docteur, autrefois dans votre service, vous auriez ainsi fait tremper tous vos malades dans l'eau glacée? Les femmes à n'importe quelle époque du mois? Les rhumatisants? Les cardiaques? Les phtisiques? Cette malheureuse fille, à demi morte, en sueur, vous l'auriez baignée? Certainement non. Il y a des moyens héroïques que couramment on n'ose pas. Un bain glacé peut à coup sûr tuer un phtisique. Mais savons-nous si, dans de certaines circonstances, il ne peut pas le sauver? Moi qui ai fini par admettre qu'un pouvoir surnaturel agissait ici, je conviens très volontiers que des guérisons doivent se produire naturellement grâce à cette immersion dans l'eau froide qui nous paraît imbécile et barbare. Ah, ce que nous ignorons, ce que nous ignorons !» Il retombait à sa colère, à sa haine de la science qu'il méprisait depuis qu'elle l'avait laissé effaré et impuissant devant l'agonie de sa femme et de sa fille. Vous demandez des certitudes, ce n'est sûrement pas la médecine qui vous les donnera. Écoutez un instant ces messieurs et soyez édifiés. N'est-ce pas beau une si parfaite confusion où tous les avis se heurtent? Certes, il est des maladies que l'on connaît admirablement jusque dans les plus petites phases de leur évolution. Il est des remèdes dont on a étudié les effets avec le soin le plus scrupuleux. Mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne peut savoir, c'est la relation du remède au malade. Car autant de malades, autant de cas. Et chaque fois, l'expérience recommence. Voilà pourquoi la médecine reste un art, parce qu'elle ne saurait avoir une rigueur expérimentale. Toujours la guérison dépend d'une circonstance heureuse, de la trouvaille de génie du médecin. Et alors, Comprenez donc que les gens qui viennent discuter ici me font rire quand ils parlent au nom des lois absolues de la science. Où sont-elles, ces lois en médecine? Qu'on me les montre! » Il voulut n'en pas dire davantage, mais sa passion l'emporta. « Je vous ai dit que j'étais devenu croyant. Seulement, en vérité, je comprends très bien que ce brave docteur Bonamy ne s'émeuve guère et qu'il appelle les médecins du monde entier pour étudier ses miracles. Plus il y aurait de médecins, moins la vérité se ferait, au milieu de la bataille des diagnostics et des méthodes de traitement. Si l'on ne s'entend pas sur une plaie apparente, ce n'est pas pour s'entendre sur une lésion intérieure, que les uns nient quand les autres l'affirment. Et pourquoi dès lors tout ne deviendrait-il pas miracle? Car au fond, que ce soit la nature qui agisse ou une puissance surnaturelle, les médecins n'en restent pas moins surpris le plus souvent devant des terminaisons qu'ils ont rarement prévues. Sans doute, les choses sont fort mal organisées ici. Ces certificats de médecins qu'on ne connaît pas n'ont aucune valeur sérieuse. Il faudrait un contrôle des documents très sévère. Mais admettez une rigueur scientifique absolue. Vous êtes bien naïf, mon cher enfant, si vous croyez que la conviction se ferait éclatante pour tous. L'erreur est dans l'homme, et il n'y a pas de besogne plus héroïque que d'établir la plus petite des vérités. » Pierre alors commença à comprendre ce qui se passait à Lourdes. L'extraordinaire spectacle auquel le monde assistait depuis des années, parmi l'adoration dévote des uns et la risée insultante des autres. Évidemment, des forces mal étudiées encore, ignorées même, agissaient. Autosuggestion, ébranlement préparé de longue main, entraînement du voyage, des prières et des cantiques, exaltation croissante, et surtout le souffle guérisseur, la puissance inconnue qui se dégageait des foules dans la crise aiguë de la foi. Aussi lui sembla-t-il désormais peu intelligent de croire à des supercheries. Les faits étaient beaucoup plus hauts et beaucoup plus simples. Les pères de la grotte n'avaient pas à se noircir la conscience de mensonges. Il leur suffisait d'aider à la confusion, d'utiliser l'universelle ignorance. Même, on pouvait admettre que tous étaient sincères. Les médecins sans génie qui délivraient les certificats, les malades consolés qui se croyaient guéris, les témoins passionnés qui juraient avoir vu. Et de tout cela sortait évidente l'impossibilité de prouver que le miracle était ou n'était pas. Dès ce moment, le miracle ne devenait-il pas une réalité pour le plus grand nombre, pour tous ceux qui souffraient et qui avaient besoin d'espoir? Comme le docteur Bonamy s'était approché d'eux, en les voyant causer à l'écart, Pierre lui demanda « Dans quelle proportion les guérisons se produisent-elles ?»« Environ 10%, répondit-il. Puis, lisant une surprise dans les yeux du jeune prêtre, il ajouta avec une bonhomie parfaite « Oh, nous en obtiendrions davantage, mais il faut bien le dire, je ne suis ici que pour faire un peu la police des miracles. Ma vraie fonction est d'arrêter les ailes trop grands, de ne pas laisser tomber dans le ridicule les choses saintes. En somme, mon bureau n'est qu'un bureau de visa, quand les guérisons constatées semblent sérieuses. » Il fut interrompu par de sourds grondements. C'était Rabouin qui se fâchait. « Les guérisons constatées, les guérisons constatées! À quoi bon? Le miracle est continuel. Pour les croyants, à quoi bon constater? Ils n'ont qu'à s'incliner et à croire. Pour les incroyants, à quoi bon encore? Jamais on ne les convaincra. C'est des bêtises ce que nous faisons ici. » Sévèrement, le docteur Bonamy lui ordonna de se taire. « Rabouin, vous êtes un révolté. Je dirai au père Cap de Barthe que je ne veux plus de vous, puisque vous semez la désobéissance. » Il avait pourtant raison, ce garçon qui montrait les dents, toujours prêt à mordre lorsqu'on touchait à sa foi. Et Pierre le regarda avec sympathie. « toute cette besogne du bureau des constatations, si mal faite d'ailleurs, était en effet inutile, blessante pour les dévots, insuffisante pour les incrédules. Est-ce que le miracle se prouve? Il faut y croire. Il n'y a plus à comprendre dès que Dieu intervient. Dans les siècles de réelle croyance, la science ne se mêlait pas d'expliquer. Que venait-elle faire ici? Elle entravait la foi et se diminuait elle-même. Non, non, se jeter par terre, baiser la terre et croire. Ou bien s'en aller. Il n'y avait pas de compromis possible. Du moment que l'examen commençait, il ne devait plus s'arrêter. Il aboutissait fatalement au doute. Mais Pierre, surtout, souffrait des extraordinaires conversations qu'il entendait. Les croyants qui étaient dans la salle parlaient des miracles avec une aisance, une tranquillité inouïe. L'effet stupéfiant les laissait pleins de sérénité. Encore un miracle, encore un miracle. Et ils racontaient des imaginations de démence avec un sourire, sans la moindre protestation de leur raison. Ils vivaient évidemment dans un tel milieu de fièvre visionnaire que rien ne les étonnait plus. Et ce n'étaient pas seulement des simples, des enfantins, des illettrés, des hallucinés tels que Rabouin, mais des intellectuels se trouvaient là, des savants, le docteur Bonamy et d'autres. C'était inimaginable. Aussi Pierre sentait-il grandir en lui un malaise, une sourde colère qui aurait fini par éclater. Sa raison se débattait, ainsi qu'un pauvre être qu'on aurait jeté à l'eau, que de toutes parts le flot prendrait et étoufferait. Et il pensait que les cerveaux, comme le docteur Chassaigne par exemple, qui sombrent dans la croyance aveugle, doivent d'abord traverser ce malaise et cette lutte avant le naufrage définitif. Il le regarda, il le vit infiniment triste, foudroyé par le destin, d'une faiblesse d'enfant qui pleure, seul au monde désormais. Et pourtant, il ne put retenir le cri de protestation qui lui montait aux lèvres. « Non, non, si l'on ne sait pas tout, si même l'on ne sait jamais tout, ce n'est pas un argument pour cesser d'apprendre. Il est mauvais que l'inconnu bénéficie de ce que nous ignorons. Au contraire, notre éternel espoir doit être d'expliquer un jour l'inexpliqué. Et nous ne saurions avoir sainement un idéal, en dehors de cette marche à l'inconnu pour le connaître, de cette victoire lente de la raison, au travers des misères de notre corps et de notre intelligence. Ah, la raison, c'est par elle que je souffre, c'est d'elle aussi que j'attends toute ma force. Quand elle périt, l'être périt tout entier. Quitte à y laisser le bonheur, je n'ai que l'ardente soif de la contenter toujours davantage. » Des larmes parurent dans les yeux du docteur Chassaigne. Le souvenir de ses chères mortes venait de passer sans doute. Et à son tour, il murmura « la raison, oui, certainement. C'est une grande fierté, la dignité même de vivre. Mais il y a l'amour, qui est la toute-puissance de la vie, l'unique bien à reconquérir quand on l'a perdu. » Sa voix se brisait dans un sanglot étouffé. Et comme machinalement il feuilletait les dossiers sur la table, il trouva celui qui portait, en grosses lettres, le nom de Marie de Guersin. Il l'ouvrit, lut les certificats des deux médecins, concluant à une paralysie de la moelle. Et il reprit. « Voyons, mon enfant, vous avez, je le sais, une vive affection pour mademoiselle de Guersin. Que diriez-vous si elle était guérie ici? Je découvre là des certificats, signés de noms honorables, et vous savez que les paralysies de cette nature sont incurables. Eh bien, si cette jeune personne, brusquement, courait et sautait, comme j'en ai vu tant d'autres, ne seriez-vous pas bien heureux? N'admettriez-vous pas enfin l'intervention d'une puissance surnaturelle? » Pierre allait répondre lorsqu'il se rappela la consultation de son cousin Beauclerc. le miracle prédit, en coup de foudre, dans un réveil, une exaltation de tout l'être. Et il sentit croître son malaise. Il se contenta de dire « En effet, je serai bien heureux, et je pense comme vous. Il n'y a sans doute que la volonté du bonheur dans toute l'agitation de ce monde. » Mais il ne pouvait plus rester là. La chaleur devenait telle que la sueur ruisselait des visages. Le docteur Bonamy dictait à un des séminaristes le résultat de l'examen de la grivotte, tandis que le père d'Argelès, surveillant les expressions, se haussait parfois à son oreille pour lui faire modifier une phrase. D'ailleurs, le tumulte continuait autour d'eux. La discussion des médecins avait dévié, portait maintenant sur des points techniques, d'un intérêt nul dans le cas spécial mis à l'étude. On ne respirait plus entre les murs de planches. Une nausée y faisait tourner les cœurs et les cerveaux. Le petit monsieur Blond, l'écrivain influent de Paris, s'en était allé, mécontent de n'avoir pas vu un vrai miracle. Pierre dit au docteur Chassaigne « Sortons, je vais me trouver mal. » Ils sortirent en même temps que la grivotte que l'on congédiait. Et tout de suite, à la porte, ils retombèrent dans un flot de foule qui se ruait, qui s'écrasait pour voir la miraculée. Le bruit du miracle avait dû déjà se répandre. C'était à qui s'approcherait de l'élu, la questionnerait, la toucherait. Et elle, avec ses joues empourprées, ses yeux de flamme, ne savait que répéter de son air dansant « Je suis guérie, je suis guérie !» Des cris couvraient sa voix. Elle était noyée, emportée dans les remous de la cohue. Un moment, on la perdit des yeux, comme si elle avait sombré. Puis, elle reparut subitement, tout près de Pierre et du docteur, qui tâchaient de se dégager. Il venait de trouver là le commandeur, dont une des manies était de descendre aux piscines et à la grotte pour s'y fâcher. Sanglé militairement dans sa redingote, il s'appuyait sur sa canne à pomme d'argent, entraînant un peu la jambe à gauche, qu'un reste de paralysie, depuis sa deuxième attaque, raidissait. Et sa face rougit, ses yeux flambèrent de colère, lorsque la grivotte le bouscula pour passer, en répétant, au milieu de l'enthousiasme déchaîné de la foule, « Je suis guéri! Je suis guéri !»« Eh bien !» cria-t-il près d'une fureur brusque. « Tant pis pour vous, ma fille !» On s'exclama, on se mit à rire, car on le connaissait, on lui pardonnait sa passion maniaque de la mort. Pourtant, comme il bégayait des paroles confuses, disant que c'était pitié quand on n'avait ni beauté ni fortune de vouloir vivre, et que cette fille aurait dû préférer mourir tout de suite plutôt que de souffrir encore, on commençait à gronder autour de lui. Lorsque l'abbé Judaine, qui passait, vint le tirer d'affaire. Il l'entraîna à l'écart. « Taisez-vous donc ! C'est scandaleux ! Pourquoi vous insurgez-vous contre la bonté de Dieu qui fait grâce parfois à nos misères en les soulageant ? Vous devriez tomber à genoux vous-même, je vous le répète, et le supplier de vous rendre votre jambe, de vous laisser vivre 10 ans encore !» Alors il s'étrangla. « Moi ! Moi ! Demander 10 ans de vie, lorsque mon plus beau jour sera le jour où je partirai? Être aussi plat, aussi lâche que ces milliers de malades que je vois défiler ici, dans une basse terreur de la mort, hurlant leur faiblesse, la passion inavouable qu'ils ont de vivre? Ah non, je me mépriserai trop. Que je crève donc, et tout de suite, ce sera si bon de ne plus être. » Il se retrouvait près du docteur Chassaigne et de Pierre, enfin hors de la bousculade des pèlerins, au bord du Gave. Et il s'adressa au docteur, qu'il rencontrait souvent. « Est-ce qu'ils n'ont pas, tout à l'heure, essayé de ressusciter un homme? On m'a conté ça, j'ai failli en étouffer. Hein, docteur, comprenez-vous? Un homme qui avait la joie d'être mort et qu'ils se sont permis de tremper dans leur eau, avec le criminel espoir de le faire revivre. Mais s'ils avaient réussi, si leur rôle avait ranimé ce misérable, car on ne sait jamais dans ce drôle de monde. Croyez-vous que l'homme n'aurait pas été en droit de leur cracher sa colère à la face, à ces raccommodeurs de cadavres? Est-ce que ce mort les avait priés de le réveiller? Est-ce qu'ils savaient s'ils n'étaient pas contents d'être morts? On consulte les gens, au moins. Les voyez-vous me faire cette sale farce à moi, quand je dormirai enfin le bon grand sommeil? Ah ah, je les recevrai bien. Mêlez-vous donc de ceux qui vous regardent. Est-ce que je m'empresserai de remourir? Il était si singulier dans son emportement que l'abbé Judaine et le docteur ne purent s'empêcher de sourire. Mais Pierre restait grave, glacé par le grand frisson qui passait. N'était-ce pas les imprécations désespérées de Lazare qu'il venait d'entendre? Souvent, il avait imaginé que Lazare, sorti du tombeau, criait à Jésus « Oh, Seigneur, pourquoi m'avoir réveillé à cette abominable vie? Je dormais si bien de l'éternel sommeil sans rêve. Je goûtais enfin un si bon repos dans les délices du néant. J'avais connu toutes les misères et toutes les douleurs, les trahisons, les fausses espérances, les défaites, les maladies. J'avais payé à la souffrance ma dette affreuse de vivant, car j'étais né sans savoir pourquoi. J'avais vécu sans savoir comment. Et voilà, Seigneur, que vous me faites payer double en me condamnant à recommencer mon temps de bagne. Ai-je donc commis quelque inexpiable faute que vous la punissez d'un si cruel châtiment? Revivre, hélas, se sentir mourir un peu chaque jour dans sa chair, n'avoir d'intelligence que pour douter, de volonté que pour ne pas pouvoir, de tendresse que pour pleurer ses peines. Et c'était fini, je venais de passer le pas terrifiant de la mort, cette seconde si horrible qu'elle suffit à empoisonner toute l'existence. J'avais senti la sueur de l'agonie me mouiller, le sang se retirer de mes membres, le souffle m'échapper, s'en aller en un dernier hoquet. Cette détresse, vous voulez donc que je la connaisse deux fois? Vous voulez que je meure deux fois et que ma misère humaine passe celle de tous les hommes? Ah, Seigneur, que ce soit tout de suite. Oui, je vous en conjure. Faites cet autre grand miracle. Recouchez-moi dans ce tombeau. Rendormez-moi sans souffrir de mon éternel sommeil interrompu. Par grâce, ne m'infligez pas le tourment de revivre, ce tourment effroyable auquel vous n'avez encore osé condamner aucun être. Je vous ai toujours aimé et servi. Ne faites pas de moi le plus grand exemple de votre colère, qui épouvanterait les générations. Soyez bon et doux, Seigneur, rendez-moi le sommeil que j'ai bien gagné. Rendormez-moi dans les délices de votre néant. Cependant, l'abbé Judaine avait emmené le commandeur, qu'il finissait par calmer, et Pierre serrait la main du docteur Chassaigne, en se souvenant qu'il était plus de 5 heures et que Marie devait l'attendre. Puis, comme il retournait enfin à la grotte, il fit une nouvelle rencontre, l'abbé des Hermoises en grande conversation avec monsieur de Guersin, qui venait seulement de quitter sa chambre d'hôtel, ragaillardi par un bon somme. Tous deux admiraient la beauté extraordinaire que l'exaltation de la foi donnait à certains visages de femmes. Et ils causaient aussi de leur projet d'excursion au cirque de Gavarni. D'ailleurs, M. de Guersin suivit immédiatement Pierre dès qu'il sut que Marie avait pris un premier bain sans résultat. Ils trouvèrent la jeune fille dans la même stupeur douloureuse, les yeux fixés toujours sur la Sainte Vierge qui ne l'avait pas écoutée. Elle ne répondit point aux paroles de tendresse que son père lui adressa. Elle le regarda seulement de ses grands yeux navrés, puis les reporta sur la statue de marbre, toute blanche dans le rayonnement des cierges. Et tandis que Pierre attendait debout pour la reconduire à l'hôpital, M. de Guersin s'était dévotement agenouillé. D'abord, il pria avec passion pour la guérison de sa fille. Ensuite, il sollicita pour lui-même la faveur de trouver un commanditaire qui lui donnerait le million nécessaire à ses études sur la direction des ballons.